Balance, côté pro et en bref, ce sera une période peu animée où vous évoluerez tranquillement. Et si vous avez réglé certaines situations ou obligations administratives, comptez sur l'influence positive de Saturne pour vous accompagner. Côté finances, des choses à régler ce mois-ci au niveau des dépenses. Ce n'est donc pas le meilleur, mais ce n'est pas le pire et cela commencera à s'arranger sur la fin octobre pour vous. Alors tenez bon. Côté affectif, un mois de recadrage nécessaire pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus vivre. Certains reprendront tout à zéro. Du côté de la forme, vous avez un besoin évident de vous recentrer, laissez-vous du temps et suivez vos besoins d'indépendance. Pensez à vous ressourcer dans le calme et la sagesse. Scorpion, côté pro, des situations et autres événements qui vont apparaître de façon presque inattendue mais qui apportent leur lot de promesses et d'évolutions au niveau de vos activités professionnelles. Certains échanges seront même très constructifs et permettront à vos projets de voir le jour, ceci étant accompagné de façon bienveillante par Mars et Vénus dans votre ciel astral. Côté financier, c'est un secteur qui monte. En octobre, ce sont Jupiter et Mercure qui sont à vos côtés pour influencer les rentrées d'argent. Côté affectif, l'amour revient sur le devant de la scène. Que vous soyez seul ou en couple, l'énergie de la nouvelle lune ainsi que Pluton et Vénus apporte un nouvel élan dans ce secteur. L'envie d'aimer et d'être aimé obtiendra donc ses réponses réconfortantes. Du côté de la forme, un mois qui vous demande de retrouver un peu plus d'équilibre que d'habitude. Recentrez-vous et pensez à vous reposer. Sagittaire, côté pro, c'est un très bon mois d'octobre pour nos amis Sagittaires. Vos efforts sont reconnus, vous êtes au top. La pleine lune du 13 octobre vous accompagne d'ailleurs pour influencer votre présence. Votre aura devient magnétique. Côté financier, là aussi, c'est un secteur dominant où certains vont trouver des solutions concrètes à leur situation et où d'autres seront comblés par l'émergence de situations porteuses financièrement. Côté affectif et sentiments, ce sera le mois de l'amour et des papillons dans la tête. Vous êtes au centre des attentions et par votre nature chaleureuse et bienveillante, vous savez partager avec le cœur et dans la sincérité. Mon conseil, ne regardez plus derrière vous et même si cela est difficile, coupez ce lien qui n'a plus lieu d'être alimenté par la nostalgie. Souriez, votre présent brille et votre avenir n'attend que vous pour briller encore plus fort. Du côté de la forme ici aussi, tout va pour le mieux. Capricorne, côté pro pour celles et ceux qui recherchent un emploi, ce sera un mois porteur. Vous avez le chic pour convaincre vos interlocuteurs. Pour les autres déjà en activité, les affaires sont protégées, l'évolution est très positive pour vous. Côté financier, on calcule, on ne laisse rien traîner et tout ceci vous assure un mois là aussi protégé. Les bonnes influences planétaires qui vous accompagnent mettent ce secteur en avant. Côté affectif, les émotions sont titillées ce mois-ci et parfois ce n'est pas simple. Bon nombre de Capricornes ont un réel besoin d'y voir clair pour avancer et se construire à deux. Du côté de la forme, soyez vraiment à l'écoute de vos univers intérieurs, décontractez-vous et laissez se fluidifier ce sentiment d'exister dans toutes vos dimensions. Verseau, côté pro, c'est un Mars en balance qui annonce que ce secteur brille de mille et un feux en octobre. Vos idées sont retenues, on vous ouvre les portes, presque comme par magie, et vos activités avancent. Côté financier, et grâce également à la présence d'un Jupiter bienveillant dans votre ciel, ce mois vous donne la possibilité de faire avancer le dossier des finances. Côté affectif, la communication revient et on va donc s'accorder, s'entendre, s'écouter et se comprendre. Du côté de la forme, il vous faut réduire ce mental qui s'agite un peu trop souvent, ami Verseau. Alors pour y arriver, pensez à vous accorder des moments de ressourcement nécessaires pour entretenir vos batteries. Poisson, côté pro, on est dans une phase intuitive qui vous inspire et vous fait suivre la bonne voie. Vous avez un facteur chance dans votre ciel, ne le perdez pas de vue et croyez en lui. Côté financier, des occasions très intéressantes vont vous permettre d'atteindre un niveau d'équilibre vraiment bénéfique. Côté affectif, Mercure et Vénus en Scorpion vous permettent de mesurer plus justement vos sentiments, afin de suivre là aussi une voie de réalisation et de plaisir avec votre partenaire. Laissez venir à vous ce beau soleil qui parfois se cache derrière l'orage. Choisissez en quoi vous voulez croire. Du côté de la forme, c'est un poisson qui se retrouve volant, qui a donc des ailes et qui survole librement ce monde avec une énergie époustouflante.